allongeait les ongles, assis sur le trottoir. Le bus était complet, c'était 7h du soir. Le feu rouge était vert, et ça m'était égal. Faut dire que côté cœur, c'était pas idéal. J'avais la tête en bronze, comme une fontaine Valas. J'étais gai comme les pins d'un hiver monégasque. Le feu vert était rouge, et ça me passait au-dessus. J'étais seul dans mon pull. L'amour, y en avait plus. Bravo, le 14e. Merci, le 14e. C'est le quartier de l'amitié, c'est pas celui de l'amour. Bravo, le 14e. Merci, le 14e. Faudra que je déménage un jour. Au bois charbon du coin, c'était vraiment trop noir. Chez moi, n'en parlons pas, il n'y avait plus rien à boire. Le feu rouge était jaune, et je m'en foutais bien. Faut dire que côté cœur, je buvais tout mon chagrin. Au fond de la tête, j'avais comme une guitare cassée, une vieille guitare en flammes qui m'empêchait de bouger. Le feu rouge était bleu, qu'est-ce que ça pouvait faire? J'avais froid à la peau, pourtant c'était l'enfer. Bravo, le 14e. Merci, le 14e. C'est le quartier de l'amitié, c'est pas celui de l'amour. Bravo, le 14e. Merci, le 14e. Faudra que je déménage un jour. Me rongeais les ongles, assis sur le trottoir. Le bus était complet, c'était 7h du soir. Le feu rouge était noir, et ça m'était égal. Faut dire que côté cœur, c'était pas idéal. J'ai dormi sur un banc, en attendant la mort. La seule solution au désespoir trop fort. Et puis j'ai eu si froid que j'ai changé d'avis. Si j'avais eu beau temps, où en serait ma vie? Bravo le 14e, merci le 14e. C'est le quartier de l'amitié, c'est pas celui de l'amour. Bravo le 14e. Merci, le 14e. Faudra que je déménage un jour.